vous êtes assez fait passer. 89.1. Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est les palmarès, c'est fou. Bonjour et bienvenue au Palmarès C'est Fou pour la semaine du 1er au 7 février 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. Salut Tania. Ça va bien? Très bien toi. Très bien. Est-ce que t'es prête pour passer 3 heures avec moi? Ouais, je pense qu'on le fait quand même assez souvent. Et avec vos petits palmiers à la maison qui vont entendre avec nous les 40 pièces les plus appréciées des animateurs de la station C'est Fou 89.1 FM depuis ces derniers jours. D'ici la fin de l'émission, on va savoir si le numéro 1 anglophone est toujours David Bowie avec Lazarus, alors qu'en francophone, on se demandera si c'est Away de Dead Obies. De bonnes questions. Pas pire quand même comme début d'émission. Mais on va commencer évidemment avec nos nouvelles entrées. Oui. Pourquoi pas? Des nouvelles entrées du côté anglophone, pourquoi pas? Je t'en donne une liste, là. Tu vas voir. Ouais, merci. On va avoir Dilly Dally, Le Matos, Kurt Vile, Noble Thieves, ainsi que Baja Bullet. Et du côté francophone, eh bien, ça bouge aussi. On va avoir Pandaléon, Les Revenants, Eddie Cramp, Hidalgue. Hidalgue. Ou... Hidalgue. Ouais. Hidalgue. Quelque chose comme ça. I-D-A-L-G, bref. Et voilà. Hein? On va aller se renseigner sur ces bandes-là, évidemment, mais pendant oui, qu'on les fait clairement. Jouer. Commençons justement par nos nouvelles entrées. Du côté anglophone, la 20e place est occupée par Dilly Dally. C'est un retour, un deuxième extrait de leur album Soar. Voici Desire tout à l'heure. Et la 20e francophone, eh bien, c'est Retour de Pandaléon. Ben voilà. Écoutons ça tout de suite au Palmarès, c'est fou. Immédiatement. Right now. Right now. Pourquoi attendre? Hein? On n'attend pas, là, tout de suite. C'est ça. Pressé. Nouvelle entrée. We'll be right back. Nouvelle entrée. Ça, c'est minimaliste, c'est mystérieux. Le matos, eyes, throat, genitals sur l'album Chronicles of the Wasteland. En fait, c'est la trame sonore du film Turbo Kid. Donc, sur l'album, il y a le disque Chronicles of the Wasteland et ensuite la trame sonore, donc deux CD indépendamment, dont une autre version de Ice Road Genitals que tu nous as traduit en ronde, mais qu'on peut garder comme... Ouais, on va garder pour nous. C'est ça. Débrouillez-vous avec la traduction, hein, n'est-ce pas? Donc, le bateau se fondait en 2007. Jean-Nicolas Lepi, Jean-Philippe Bernier et Vincent Ménard. J'aime sur Facebook le fait qu'ils disent ex-membre Maxime Duménil. Ah! C'est sympathique. C'est très sympathique. C'est comme un remerciement, maintenant. Voilà. Donc, c'est un groupe électronique canadien. En fait, c'est montréalais et tout leur texte sur Facebook est en anglais. Ah, donc, okay. On peut les voir live avec leur analogue, leur synthétiseur analogue, leur batterie ou derrière leur deck de DJ en train de jouer du Synthwave, Outrun, House Techno et 80s Movie Music, donc des trames sonores de films des années 80. Voilà pour le matos. Et tout juste avant ça, eh bien, on a entendu les revenants qui reviennent au palmarès parce que bien oui. sûr, on avait déjà entendu « Rien ne saigne comme un pouce ». Qui est resté au palmarès quand même assez longtemps. Mais la nouvelle entrée, ils t'appelleront par ton nom, qui est la 19e entrée francophone. C'est drôle, quand tu l'as dit, j'ai entendu « ils t'appelleront » comme dans « taper un rond ». Ils t'appelleront, tu sais, mais c'est « ils t'appelleront » comme ouais, dans « ouais, t'appelleront ». Comme ouais, au futur. J'ai-tu dit « taperont » Non, tu l'as dit correctement, ah, okay. mais ça sonnait comme « ils tapaient le rond ». Ah, OK, ouais, ils tapaient le rond. Ça fait ouais. un petit peu comme sexuel, genre « ice throat genitals » un peu. « Ice throat genitals », mettons. En 20e anglophone, on a entendu « Dilly Dally », retour pour eux avec la pièce « Desire ». Évidemment, c'est un groupe torontois, on l'a déjà dit lorsqu'ils étaient nouveaux avec leur précédente pièce. Et puis c'est Katie Monks, Liz Ball, Jimmy Tony et Benjamin Reinhardt. Leur premier album, Soar, est sorti le 9 octobre dernier. Et on a commencé ce bloc-là avec la nouvelle entrée francophone en 20e, qui est Pandaléon, avec leur pièce Retour. Pandaléon qui ont lancé leur nouvel album il y a simplement trois jours, à peu près quatre jours en fait, le 29 janvier. Récemment, comme on c'est l'appelle. Ça, ouais. Récemment, leur nouvel album Atone. Et c'est vraiment super parce que j'étais allée faire un tour sur leur site internet et j'ai appris qu'ils ont enregistré l'entièreté du CD dans une école que deux des membres ont côtoyé durant leur jeunesse, donc c'est-à-dire Jean-Philippe Levac qui est à la batterie et à la voix, ainsi que Frédéric Levac qui est lui au clavier voix. Ces deux gars-là sont allés à la même école parce que bien évidemment ils sont des frères, donc ils ont décidé de retourner à leur école primaire qui est abandonnée présentement et ils ont tout juste passé 5 semaines complètes à enregistrer leur album dans cette école primaire-là. Wow! Est-ce qu'on s'y fait des bâtons de colle? Ça le dit pas. Non, mais par contre, ils disent que c'était super le fun pour tout l'écho qu'il y avait, comme exemple dans les salles de bain, dans le gymnase, tout ça. Puis ils... Les salles de bain des gars, ouais, non, salles de bain des filles, c'est écrit sur le site internet. Okay. Et ils se sont vraiment donné la mission d'aller chercher des sons, justement, qu'on entend juste dans les écoles par rapport aux échos que les murs font. Ah, les ongles du tableau. Ah! Oh. Ah, non. Et là, c'est encore 5 nouvelles entrées. On va en faire juste 2 pour l'instant pour pouvoir en faire 3 tout à l'heure. Hein. Ouais. Donc, en position numéro 18, anglophone. Plus tard, il y aura Kurt Weill. Et un retour, en fait, lui aussi, c'est sa 2e pièce sur le palmarès de cet album-là, Believe I'm Going Down. Et ce sera I'm an Outlaw. Oui, et du côté francophone, eh bien, ça va être la 18e position avec Viens me voir cette nuit de Eddie Cramps. Ouh, hein? Ouh. Ah, c'est des palmarès, c'est fou. Au 89 FM. T'as comme un délai aujourd'hui, hein? Ouais. Est-ce que t'es gelé? Est-ce que c'est les bâtons de col? Cette nuit, si tu m'entends penser, viens me voir cette nuit. Tu n'as pas besoin d'invitation tant que tu captes le truc. Viens me voir cette nuit, hier s'en est allé encore. Et là, moi, je me disais que ça pouvait le faire. Je ne me sens pas trop cassé. Viens me voir cette nuit, viens partager mes rêves. Le quotidien me tue. Viens me voir cette nuit, je sais que tu y as pensé avant. Et là j'attends que tu frappes à ma porte. Entrée. Do you got wise blood to come when some Kurt Vile, la pièce I'm an Outlaw, en position numéro 18 anglophone sur l'album Believe I'm Going Down. Kurt Vile, qui est un auteur, compositeur, interprète américain de rock indépendant, originaire de Philadelphie, et c'est un des membres fondateurs de The War on Drugs. Tout juste avant ça, c'était, j'ai dit Eddie Cramps, mais j'imagine qu'on peut l'appeler de différentes façons. Il n'y a pas de faute dans les noms, c'est ce qu'il disait au primaire hein, et au secondaire. Mais en fait, c'est un artiste français de France, donc ça serait soit Eddie Cramp ou soit Eddie Krampes. Parce que, bon, ça dépend comment tu le dis, quoi. Français, du coup. Français. Voilà. C'était « Viens me voir cette nuit ». Ah, d'accord. La 18e francophone. J'ai appris ça pour une instruction. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. Ah, il nous reste encore trois nouvelles entrées. Donc, on va faire un bloc de trois, ce qui n'inclura pas une des pièces qu'on devra sauter en francophone, mais on dira après le bloc, parce que pour l'instant, on se concentre sur les nouveautés. Plus tard dans le bloc, il y aura une de mes prefs, Bajaboulat, avec Infamous, nouvelle entrée. Aussi en 17e place, The Noble Thieves et Give Him Hell, qu'on va entendre en milieu de bloc. Et du côté francophone, ça va être Demi-Serpent de Hidalgue, ou IDALG, parce que ça semble être un acronyme, alors je vais vérifier le tout et vous revenir avec ça après. Ben, c'est pour ça qu'on est là! Hein? Et voilà! C'est ça ou un ordinateur? Fait que, c'est un des deux. Nous autres, on vous les donne, les informations, Hidalgue, tout de suite au palmarès. C'est fou! 81 FM! Oh yeah! Yeah.

Bajabulat et la pièce Infamous, une nouvelle entrée en 16e place anglophone. Bajabulat, qui est une artiste torontoise, une chanteuse de folk, auteur, compositrice, interprète canadienne d'origine polonaise. Oh! Ouais. Avant ça, on a entendu Demi-Serpent de IDALG. J'ai trouvé pour vous. Appelons-les comme ça parce qu'en fait, c'est la régénération du groupe Ils dansent avec les genoux. Ben oui. Donc, c'est vraiment un acronyme. Soit que vous l'appelez IDALG ou IDALG, mais je pense que IDALG, c'est quasiment mieux que IDALG. Ouais, j'avoue. Mais tant qu'à faire, les gens vont sûrement continuer de les appeler Ils dansent avec les genoux. Hein? Ouais, sûrement. Hey, mais non, c'est pas le même monde. Non, c'est pas le même monde. Avant ça, du côté anglophone, en 17e place, c'était The Noble Thieves. Deuxième extrait de l'album, It's Tough to be the Bad Guy. La pièce s'appelle Give Him Hell. C'est un groupe de Winnipeg, de rock and soul. Mm-hmm. Et on a sauté la 16e francophone parce que ça fait quand même assez longtemps qu'elle est au palmarès. C'était Prends mon temps d'Athéna. Peut-être on aura le temps d'y revenir un peu plus tard. Voilà, donc nos nouvelles entrées sont faites. On a eu 9, ce qui veut dire qu'on dit au revoir à 9 pièces oui, qu'on appréciait. Et c'est une semaine de ménage aujourd'hui. Ouh. On se débarrasse de pas mal de bon stock. C'est vrai. Ouais. Voici Palmarest in Peace. Just mountains of change. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. Just a fool with the back of a

Buru et Cosmic Cannibalism stable en 11e place. On va remettre de l'ordre un petit peu dans quelque chose parce qu'on a vraiment joué beaucoup de pièces dans ce bloc-là. En effet, on a fait jouer, tu viens de le dire, la 11e anglophone qui était Buru. Mm-hmm. On a aussi fait jouer la 11e francophone qui était La Brume de Renard Blanc. On a sauté la 12e francophone qui était Héroïne de Philippe Braque. On a sauté aussi la 12e anglophone Lucid Afterlife avec EO dans son numéro 3. On a fait jouer la 13e francophone qui était Fait faillite des Hôtesses d'Hilaire. On a sauté la 13e anglophone de Sheepdogs avec Bad Lieutenant. Et on a fait jouer la 14e francophone Grandville de Mordicus. Et au début, on a sauté par le studio Hunter avec Snakeskin. Nous voilà dans l'ordre, on est au courant. Je vais te dire, tu sais, Uburu. Oui, Uburu. On se demandait c'était quoi. Uburu, le nom du band, U-U-B-B-U-U-R-R-U-U. C'est le, oui, on double les lettres. Oui. Mais j'ai cherché sur Uburu sans le doublage de lettres et apparemment que Uburu Ekwe, c'est une communauté autonome au Nigeria. Ah, voilà. OK. Uburu est aussi une sorte de fleur et faut le pas confondre avec Urubu, qui est un vautour d'Amérique. Ah, nice! Ouais, voilà. C'est la fin de la première heure des Palmarès C'est Fou. On va se quitter quelques instants et on va être de retour dans quelques instants avec la deuxième heure, la portion top 10. On va entendre là-dedans, entre autres, Faudrait faire la vaisselle, Grimes de Paper Kites, Mes amis au Pakistan et Baden Baden. Donc, restez avec nous! À tantôt! À tantôt! Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 89. On est tellement facilement impressionnés, on a une nouvelle fenêtre dans la porte. Hey, on est tout excités. Venez nous voir à l'avant du studio, là, à côté de la chaussée. Oui, on vous ouvrira pas maintenant. On pourra aller à la porte fermée. On va garder la porte fermée, surtout. C'est les Palmarès C'est Fou pour la semaine du 1er au 7 février 2016. C'est la portion top 10 qui commence à l'instant et elle est Talia Baudin. Oui, avec Mathieu Plante. Oh, Mathieu Plante! Mathieu Plante. En 10e place, c'est l'ancien numéro 2 en anglophone. C'est Grimes avec une pièce de l'album Art Angels qui s'appelle Flesh Without Blood. Et du côté francophone, eh bien, c'est l'ancienne 4e position. C'est Faudrait faire la vaisselle avec leur pièce Lâche ta job. Oui. Demain, par demain, exemple. Demain, c'est ça. Pour l'instant, nous, on a une fenêtre dans la porte. Fait. Ouais. On est correct. Mm-hmm. On est facile demain. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job en verre romain. Lâche ta job. Lâche ta job demain. Reste-tu si t'as même pas dormi assez pour que ça vaille la peine demain d'aller servir des cafés. Reste-tu si t'es même pas assez payé pour que ça vaille la peine jamais de retourner travailler. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le son. Entends-tu le cadran? Moi non! Avant de se coucher, on avait fermé le son. Alors, si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job en verre demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job demain. Si tu veux dormir avec moi, lâche ta job en verre demain. Lâche ta job. Lâche ta job demain. On s'inflige la productivité. Mais quand on est dans ce lit-là, c'est nous qui l'avons décidé. On s'oblige à se faire patronner. Mais la peau de ton couel, elle goûte la liberté. Entends-tu ton patron t'appeler? Si il t'envoie pas, tu vas démissionner. Entends-tu ton patron t'appeler? Si il t'envoie pas, tu vas démissionner.

Les dixièmes places en anglophone, Grimes et Flesh Without Blood qui descendent de la deuxième. Et du côté francophone, c'était Lâche ta job de Faudrait faire la vaisselle. Voilà! Voilà! C'est un bon petit bloc pour débuter une deuxième heure, ça se trouve. Oui, en effet. Ben oui. Alors, on va continuer avec les neuvièmes, tant qu'à être en train de faire un petit décompte dans l'ordre inversé. Pourquoi pas? En anglophone, c'est Etou Broussé avec Hey Blue. On a appris la semaine passée Etou Broussé et tout l'historique de ce que ça voulait dire en latin. Oui, ben oui. Donc, on répétera pas. C'est ça le fun, hein? Oui. Donc, on va entendre leur extrait Hey Blue qui monte de la 19e place. Donc, de 10, c'était la nouvelle entrée la semaine passée. Et du côté francophone, la 9e position. C'est la même que la semaine dernière. On est resté stable de ce côté-là. C'est Muffin Top de mes amis au Pakistan. Muffin Top, ce qu'on aime tous avoir, là, ce qui dépasse un petit peu du pantalon, du bord des hanches. Là. Oui, c'est ça, exact. C'est ce que c'est, ça. Ben oui. Ouais. Donc, on écoute ça. On peut me rester. 89.1 FM. Looking is in back to back with the downtown winds. The king is in his story. I know you will not be missing me. At night, the street's the only place to be. Hey, Blue, I really should be missing you. Something about this picture is not right. Hey, Blue, I'm sure I should be kissing you. Ça bien l'aimer, celle-là. Et tout brossé avec Hey Blue qui monte de la 19e à la 9e anglophone. Et avant ça, on a entendu la même position que la semaine dernière, la 9e, qui est Muffin Top de mes amis au Pakistan. Elle, je la trouve aussi weird à chaque semaine et à chaque semaine, je dois le dire. Les paroles sont vraiment très... Ben, vulgaire un peu. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Et aussi, ben, ça griche dedans puis on a l'impression que c'est la radio qui est pas sur le poste. Hein? C'est vrai. Mais ça reste divertissant. Oui, c'est ça, oui, l'important. Tout à fait. On n'haït pas ça. En tout cas, moi, oui. J'haïs pas ça. Je veux pas t'inclure dans mes affaires, tu sais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. À 8e place, je pense que celles-là font l'unanimité, les deux. On les aime. The Paper Kites en anglophone avec Renegade qui monte à la 17e place à la 8e anglophone. Et du côté francophone, malheureusement, on descend de deux positions. La semaine dernière, elle était en 6e place. C'est Hiver de Baden Baden. Ah, mais la bonne chose, c'est que l'hiver s'en va. Fait que ça, oui! ça s'en va par, par en bas. Il fait super beau, puis ça. Pour les auditeurs du mardi. Exactement. Non, mais même les autres auditeurs, là, il fait beau pareil. Ceux du vendredi puis dimanche, il fait sûrement peut-être, genre, c'est peut-être beau. Peut-être qu'il y a aussi une tempête. Mardi, il faisait beau. Bon. C'est ça. Je suis inclusif. Toi, y a des hivers qui n'en sont pas. Tu ne marches plus vraiment tout droit. En pleine nuit, on voit. pas que ça. Moi je suis fou et fou de toi. À tout comprendre, j'ai rien su faire. J'ai retrouvé, c'est déjà ça. La folie d'imaginer qu'un jour je sortirai juste pour voir le coup à la fenêtre. Et puis peut-être qu'on s'aimera sans se connaître, sans forcément se croire. Thank you. The Paper Kites, Renegade, pour son numéro 8 anglophone, ça monte la 17e place sur l'album 12-4. Et du côté francophone, c'était Baden Baden avec Hiver. Eh oui! Qu'est-ce qui te déconcentre autant aujourd'hui, toi? T'aimes pas ça quand je le dis, mais... Il y a un de mes ongles qui a décollé. Oh non! Ouais, je sais. Oh non! Ouais. Toujours un de tes ongles, puis moi, je veux pas voir quand t'enlèves tes ongles, parce que je trouve que c'est comme si tu enlevais tes vrais ongles. Ouais. Ça me lève un peu le cœur. Ouais. C'est comme les tétines de Lemmy dans Motorhead. Ça me met un petit peu le cœur. OK. Non, y a pas de problème. Écoute, je t'en veux pas. C'est pour ça que je voulais pas le dire, mais maintenant que c'est dit. C'est ça. Au moins, enlève-toi pas des tétines, s'il te plaît. Il y en a juste un qui est tombé, là. Tes tétines? Non, mes ongles. 7e place du côté anglophone, c'est The Motor League avec The Boards qui monte de 3 places. Du côté francophone, c'est le ski dans la neige. M'excuse, quel manque de respect. Correct. C'est pas mal, c'est fou. Au 89 FM. Yeah. vous êtes assez fait. 89 7 C'est-tu rock avec un petit peu ça? The Motor League avec The Boards qui monte de 3 places en 7e anglophone. Et du côté francophone, on a descendu de 4 places. C'était Dans la neige du groupe Le Husky. Mm-hmm, maintenant, c'est le moment de retourner en arrière. Oui! Voici C'était fou. Et cette fois-ci, on recule à la semaine du 8 février 2008. Loud shot.

tic, tic, tic. Well, people keep repeating that you'll never fall in love when everybody keeps retreating, but you can't seem to get enough. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. When everything feels all over, everybody seems unkind, I'll give you a four-leaf clover. Take all the worry out of your mind. I have the only key to your heart. I can stop you from falling apart. Release yourself from misery. Only one thing's gonna set you free, and it's my love. That's my love. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. Tragedy befalls you, don't let them bring you down. Love can't cure your problems. You're so lucky that I'm around. Let my love open the door. Let my love open the door. Let my love open the door to your heart. To your heart. Oh, to your heart. To your heart. Ah, j'aime tellement ce bloc qu'on vient d'entendre. C'était fou pour la semaine du 8 au 14 février 2008. On a commencé avec le numéro 1 francophone, Gatineau, et Punch Up sur l'album Gatineau, un de mes groupes préférés. Mm-hmm. Je le dis tout le temps, mais quand même, choisit des semaines que j'aime dans l'année, faut croire. Ensuite, le numéro 1 anglophone, The Hives et Tick Tick Boom, un classique de l'album The Black and White Album. Mais on vient de terminer avec Sundry Lurky et Let My Love Open the Door sur la trame sonore du film Dad in Real Life. Si vous n'avez pas encore entendu la trame sonore au complet, je vous la suggère énormément, ainsi que tous ces autres albums, parce que Sundry Lurky, faut dire, a pas mal mon âge proche, mettons. Ouais, c'est ça. Et il y a 7 albums à son actif, tu sais. Oui. Ouais, c'est le frère d'un rappeur norvégien. J'ai appris ça sur Wikipédia. Et puis, vous pouvez retrouver plus d'informations, évidemment, sur lui. En cherchant un petit peu Sundry Lurky, S-O-N-D-R-E-L-E-R-C-H-E, Sundry Lurky, c'est compliqué, mais ça vaut la peine. Voilà pour le bloc, c'était fou, c'était pour la semaine du 8 au 14 février 2008. Maintenant, on retourne à nos palmarès, il nous reste une dizaine de minutes à la deuxième heure, la portion top 10, donc allons entendre les positions numéro 6. Ça va être juste assez de temps pour ça, en fait, parce que c'est deux longues pièces. Ouais. Du côté anglophone, c'est The Town Heroes, avec Constellations qui monte de 10 places. Et du côté francophone, eh bien, roulement de tambour. Oh! Cette semaine, on aura un nouveau numéro 1, parce que, malheureusement, il est descendu en sixième cette semaine. C'est Away de Dead Obies. Je t'accuse d'abuser de ça, des roulements de tambour, mais à l'improvisation, il tape ses bandes à chaque semaine. C'est une tradition. On pourrait le faire à chaque fois qu'on a quelque chose à dire. Peut-être les numéros 1, mettons, à la fin. C'est à chaque fois qu'il y a les numéros 1 qui sont changés de position. J'avoue. Ouais. Une bonne tradition à prendre. Bref, on les écoute. Les sixièmes places au palmarès, c'est fou. 89.1 FM. C'est ça, vous attendiez tout, ain't it? Coupe de gros mots, coupe de girls, coupe de moët. Coupe de haters qui se peuvent plus d'attendre pour hate. Mais c'est bien chill, très chill, y'a pas un gros mec qui dégèle. Et puis that's it, on se cassera pas le PC. Brigitte, French frogs gon' rip it. Fête au Québec, dis tu veux pas make it, à moins que tu fake it. Fuck it, t'es une sorte de mec Champlain à remonter.

Un bloc qui pourrait pas moins fitter ensemble. On va entendre The Town Heroes et Constellations qui montent de 10 places en 6e position anglophone. Et du côté francophone, eh bien, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'était la première position. Malheureusement, ils ont descendu de 5 places cette semaine. C'était Dead Obies avec Away. Assez stressant. Ouais, particulière. Particulière, ouais. J'haïs pas tout le temps, mais mettons que là, j'étais pas dans le mood pour ça là, puis là. J'avoue que j'aimais mieux les fameuses publicités de Kijiji faites par le chanteur de Dead Obies, mais ça, c'est... Et voilà, on peut pas mettre ça dans le palmarès, malheureusement. Eh bien non. Au retour, la portion top 5 au palmarès, c'est fou, restez avec nous. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. 80. Bon retour, c'est la troisième heure des palmarès. C'est fou pour la semaine du 1er au 7 février 2016. Et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. T'es tombé sur un palmarès de raison pour les quoi de quoi? Bien, en fait, c'est 26 choses que tu dirais à la place de joyeux Saint-Valentin. Ouais. Ou que tu dirais à quelqu'un qui aurait dû être ton Valentin. Ah, d'accord. Ouais. C'est drôle. C'est très drôle. Est-ce que tu vas nous en partager tantôt, peut-être? Oui, je pourrais. D'accord. Mais pour l'instant, c'est la portion top 5 de l'émission, c'est-à-dire qu'on va entendre les positions 5 à 1. Et on va savoir d'ici la fin de l'émission si notre numéro 1 anglophone est toujours David Bowie avec Les Zeros sur l'album Black Star. Et du côté francophone, eh bien, on monte de 3. La semaine dernière, elle était en 8e position. Maintenant, c'est la 5e place. C'est Tokyo Jelly Bean d'Ingrid Saint-Pierre. Et ça, c'est le contraire exact de Dead Obies. De tout à l'heure. C'est là. Regarde ça. Hey, hein? C'est-tu pas relax à ton goût, ça? C'est super beau. Hein? Ça te flatte-tu, ça vient un peu dans le sens du poil? Ça me flatte dans le sens du poil. Okay. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. On est encerclés sans savoir. Sur le calendrier, et tout à fait par hasard, un soir à Tokyo, un soir à Tokyo. Ooh. 5. Get your head out of outer space, focus in on the human race. So you're dying from check to check. I see you trying, but still a wreck. Could you be a good man, be a good son, be an old friend, be a brave one, be a rock when it gets hard, be a soft-hearted man when it all gets dark. Just don't let them get inside your head. The moment that they do, the feeling's dead. You went to school and got a good degree. Still you're working at the same easy. Could you be a good man, be a good son, be an old friend, be a brave one, be a rock when it gets hard, be a soft-hearted man when it all gets dark. Just don't let them get inside you. Young Rival, Interior Light, ça monte de 4 places en 5e position anglophone. Du côté francophone, on, comme on l'a dit, c'était Ingrid Saint-Pierre avec Tokyo Jelly Bean. Je me suis rendu compte tantôt qu'avec Dead Obies, j'aurais dû faire le jeu de mots, là, Away, la chanson Away. Là. Ah, ben je voulais oui. faire le jeu de mots avec Away Gélina. Comme ah, Abeille, DJ Away Gélina. Comme Abeille. J'aurais-tu comme la refaire une autre fois, mettons, à une autre émission? Une autre émission. C'est ça. Faire ouais. comme si c'était du nouveau matériel. Ouais, ouais, ouais. On va essayer ça une autre fois. Si vous aimiez pas Dead Obies tantôt, vous allez probablement pas aimer la prochaine pièce qu'on s'en va entendre. Non, en effet. Non, c'est celle de mon oncle Serge. Ouais, c'est l'Ebola à Saguenay qui est la 4e position francophone. On a descendu de 2 places cette semaine. Et en anglophone, juste après, ce sera King Gizzard and the Lizard Wizard avec Stable, Paper Mache, Dream Balloon. Mais pour l'instant, mon oncle Serge. Sur Cifou, puis ça commence avec une ligne ouverte. On prend oui, rarement les vrai. Appels en ondes ici, fait que profitons-en et faisons comme si c'était un appel. Qu'on a au bout du fil. Oui, bonjour, c'est Fou 89 FM. Ça avait l'air vrai. Hein? Quand il est revenu de l'Arabie Saoudite, ne pensez pas que Couillard, en mettant le pied ici, était peu, pour crier sur tous les toits qu'il en rapportait. Ah, attends. Ça sonne pas. Ça fitait au bout, en plus, il avait tellement eu, mais non, j'ai confus. Oui. L'Ebola et l'Ayatollah, tu vois, Jean. Refais-nous ça, c'est. Refais ça. Oui, bonjour, bienvenue à C'est Fou 89 FM. Ça va l'air vrai. Très bien.

Lizard and the Lizard Wizard et la pièce Paper Mache Dream Balloon, stable en quatrième anglophone. Et avant ça, eh bien, on a entendu la fameuse ligne ouverte de l'Ebola à Saguenay de mon oncle Serge. Il y a des blagues comme ça, c'est qu'on aime à moitié. Définir quelle moitié c'est voir. Ça, exactement. C'est... si vous connaissez, devinez quelle moitié on aime plus que l'autre. Ouais. On est rendu au troisième place. On entre donc dans le top 3. Il nous reste une quarantaine de minutes à l'émission. C'est sûr qu'on va se rendre jusqu'à la fin aux premières places et peut-être même avoir le temps de revenir en arrière un peu. Donc, en anglophone, on entendra David Bowie et sa longue pièce, mais l'ancien numéro 1, Lazarus. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 en anglophone et l'album s'appelle Black Star. Et du côté francophone, eh bien, la semaine dernière, la pièce était en 19e position. Oh! C'est seulement la deuxième semaine qu'elle est au palmarès et déjà on se retrouve à la troisième place. C'est 5 heures du groupe Paupières. Hey, on pourrait dire qu'on a juste cligné les yeux et qu'ils sont rendus quasiment au sommet. Paupières? Hey, quasiment. Il est quasiment 5 heures. Il est 5h18, mais quasiment. Pour les gens qui nous écoutent le mardi! Et voilà! Là où il fait beau! Et maintenant noir! Oui! L'après-midi, ça va être bizarre, tu sais. Ouais, en effet. Il fait noir, beau et il est 5 heures. Un dimanche après-midi. Ça fond. C'est les palmarès, c'est fou. Au 89 FM. Look up here, I'm in heaven. got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. David Bowie, Lazarus, l'ancien numéro 1, maintenant en 3e place, anglophone. La pièce qui ne termine jamais, mais qui est quand même assez sympathique. Quand même. Est-ce qu'on attend? Ouais, non. Non? OK. Ça va. C'est, elle est plaisante, mais ben oui, donné, quand même. On n'ambitionnera pas. Eh bien, avant ça, on a entendu la troisième francophone. C'était 5 heures du groupe Paupières. Un groupe qu'on apprécie quand même et une pièce aussi qu'on apprécie de plus en plus. Oui, quand même, Paupières. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai essayé. En anglophone, la deuxième place, c'est Reversing Falls avec This Is Why. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Ariane Zita avec Émile Néliga. On parle de C'est fou! 89 FM! Si tu me donnes une photo de toi, je vais te donner une photo de moi. Et rejoins-moi tard ce soir, quand la nuit sera noire à la statue d'Émile Néliga. Ça serait quand même pas pire que les secondes qu'on étire s'accumulent dans tes yeux ce soir. Et dans les miens, il me semble, avant que la nuit ne tombe, rejoins-moi tard ce soir. Je te trouve beau et puis tu me trouves belle. On a le regard de deux hirondelles. Quand la foule va rentrer chez elle, on se retrouvera. Marcy Falls et This Is Why montent de 5 places en deuxième position de fun. Et du côté francophone, eh bien, on a monté de 11 positions. La semaine dernière, on était en 13e place. Deuxième place, c'est Émile Néligan d'Ariane Zita. True story. En c'est effet. Vrai. C'est vrai. Allez, récemment, le numéro 1. Oui. Et numéro 1 veut dire jeu de mots poche. Ah, mon Dieu, oui, c'est vrai, j'avais oublié. Il y en a un peu tout le long de l'émission, mais principalement, il s'amasse à la fin. Là, tu me dirais, Mathieu Blanc, je préférerais ne pas avoir de jeu de mots. Ouais. Moi, de répondre, non, non. Il n'y en aura pas. Okay. Il n'y en aura pas des jeux de mots. OK. Il n'y en aura pas. Parce que moi, je ne niaise pas là-dessus. Hein? On ne peut pas mettre un éléphant en cage. Comme disait l'autre, là, Marjorie, Marjolaine, Marjo. Marjo? Je pense que c'est Marjo. Hein. Elle disait, on n'apprivoise pas les éléphants sauvages. Tu te rappelles de ça? Ben oui, évidemment. C'est à moins que je me trompe. Peut-être. Non, celle-là, j'aurais pas dû la faire, par contre. Trompe. C'est trop facile. C'est trop facile. Je sais pas. C'est trop facile, un peu comme... là, je vais être méchant un peu, mais un peu comme les prénoms faciles. C'est comme toutes les filles s'appellent Marie-Ève ou Valérie. Oui, c'est vrai. C'est un peu comme la base. C'est un peu basic. C'est un peu, ouais, t'as raison. C'est comme... on devrait enseigner aux gens l'originalité des fois. Mm-hmm. Je dis pas que c'est plate, juste que tu sais, quand t'en as 15 dans une pièce, comme mettons l'enseignante, faut qu'elle prenne les présences, que c'est comme, ok, Valérie, ouais. Valérie, Valérie. Ouais. Là, tu te demandes, ok, c'est laquelle des Valérie? Oui, t'as bien raison. C'est la Valérie. Ah ah! Hein? Et là, j'ai comme pas mal fait de jeux de mots que vous comprenez pas encore, vous allez les comprendre tantôt, tu sais. On verra un peu comme quand quelqu'un te demande, est-ce que t'as remarqué une différence chez moi? Faut tout le temps que tu répondes en premier les cheveux. Mm-hmm. Et ensuite, peut-être les vêtements. Oui. Parce que quand les vêtements changent, il faut que tu t'en rendes compte. Hein? Parce que une fille, ça veut de la valorisation. Ça veut se faire dire qu'elle est belle. Ouais. Tu comprends? Donc là, j'ai fait comme une douzaine de jeux de mots. À toi de les expliquer, s'il te plaît. Excellent. Mais là, ils ont tous été mélangés. Oui, je sais. Tu n'as pas nécessairement fait un jeu de mots qui va avec un top 1. Non, je suis un rebelle, moi. Ouais, c'est ça. Je tiens à le dire. Là, ça se peut que vous ne compreniez absolument pas les jeux de mots pareils. Une fois l'explication donnée, j'espère que vous allez comprendre. C'est ça, exactement. Donc, du côté francophone, la première position cette semaine. La semaine dernière, elle était en 11e place. C'est les enseignes au néon. Comme les enseignants, ouais. Comme les enseignants, ça, ouais. De l'artiste La Valérie. Ça, clairement, on l'a bien compris avec toutes les Valérie et les noms qui sont pas très, très originaux. De l'album Quand les vêtements changent. Oui. Je t'accorde que celui-là, il est quand même assez comprenable. Ah, merci, merci. Par contre, là, ça se gâte. Par contre, oui. Du côté anglophone, la première position la semaine dernière, elle était en 20e place. C'est Mess Around. Comme je niaise pas avec ça. Je niaise pas avec ça. De du band, en fait, Cage the Elephant. Un éléphant en cage. Un éléphant en cage ou apprivoiser l'éléphant, selon Mathieu. Comme disait Marjolaine Marjorie. Comme disait Marjo, ouais, c'est ça. De l'album Tell Me I'm Pretty, d'où les filles veulent toujours se faire dire qu'elles sont jolies. Ah, maintenant, ça a du sens. Maintenant, tout ça a du sens. Absolument. Fait mais lorsque tu l'as dit, ça n'avait pas beaucoup. Voici La Valérie, les enseignes au Nîmes. les épaules. Première position. Chaque côté, on l'a fait, on vient d'entendre Cage the Elephant avec Mess Around qui monte de la 20e place, donc ça a parcouru de la dernière à la première position. C'est incroyable, c'est du rarement vu, ça vient de l'album Tell Me I'm Pretty. Et du côté francophone, eh bien, ça a monté de la 11e place, quand même, hein, en une semaine, c'est beaucoup, tu disais la 20e pour l'anglo. Bien, la moitié pour le franco, les enseignes au néon de La Valérie de l'album Quand les vêtements changent. Absolument, voilà, c'est tout pour les palmarès pour la semaine du 1er au 7 février. Mais comme il nous reste 15 minutes, on a le temps de retourner en arrière à des choses qu'on a sautées plus tôt dans l'émission. Et on a choisi pour l'instant d'entendre les 15e places. Donc du côté anglophone, ce sera Moss Lime avec I Always Get What I Want. Et du côté francophone, eh bien, ça va être Pigeon Voyageur de Mehdi Cayenne. On s'envole avec on s'envole. Ploup, ploup, ploup. Ah, ploup, ploup, ça c'est plus un poisson, je trouve. Ouais, mais je savais pas trop comment faire le bruit de des ailes qui volent. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Voilà. Sinon, j'aurais fait un genre de corbeau, là. Ton corbeau, il y a mal quelque part. Je sais pas. Je suis pas capable. Pour nous avouer à la fin de nos jours avoir manqué d'audace. La lueur de nos ardeurs. Le soleil de nos amours. Quand le souvenir de notre éternel retour, que le quotidien nous égare, et que le printemps se prépare, ne sommes-nous pas seulement que des vaisseaux de peau qui écoutent le vent? Nos mots sont des sons qui vont loin, mais qui n'expliquent rien. Ainsi les poèmes meurent d'envie. Se love dans nos mains. We've had

Always Get What I Want par Mosslime. Position numéro 15, anglophone, ça descend de la 8e place. On avait sauté précédemment. Oui, puis on a commencé tout ça avec Pigeon Voyageur et Mehdi Cayenne. Absolument. Quelle fin d'émission tumultueuse. Oh oui, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. C'est tout cette semaine. On se retrouve mardi prochain entre 15h et 18h. Après nous, à 19h, c'est Réanimation, émission des métals et d'horreur. On repasse les vendredis à 17h. Après nous, à 20h, c'est Skypunka. Et on repasse finalement le dimanche à midi. Après nous, à 15h, c'est Palmarès du monde avec David Ferron. CIF.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Merci Tania Baudin. Merci Mathieu Plante. On se retrouve à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30. Et moi, au Mathieu Plante Show les mercredis entre 15h et 17h. Voilà. Ça en fait des choses à retenir, ça. Ouais, quand même, mais ça se retient bien. Belle chance. Notez que le site web. Tout ça. Oui, vous allez voir, votre semaine va beaucoup mieux aller. Ah, ça remplit des morceaux, ça. Le gars tantôt qui est venu poser notre porte. Oui. Là, notre nouvelle porte de fenêtre, de fenêtre. Il nous a dit, pas là le matin, vous autres aussi. Ben oui, on est tout le temps ici, nous. C'est ça. C'est notre journée de deux émissions dedans. Oui. Voilà. On se quitte avec une dernière pièce. C'est la 12e position anglophone. Vous entendrez sur la plupart de nos stations Lucid Afterlife avec l'extrait EO qui descend de la 3e place. Oui. Voilà. Hey, une pièce qu'on adore mais qui va probablement nous quitter bientôt. 9 semaines, ça va faire. C'est ça. C'est ça. Bye. Bye. Just learn to breathe. It's only as easy as you let it be. Now sleep, release all of your energy and come with me.